Mon endroit heureux. Mon bonheur est né comme le lever du soleil quand je pense à l'amitié que mes amis m'offrent. En ce moment, je ne sais pas ce qu'aurait été ces trois années sans. Chaque sourire, blague, câlin au moment que nous passons ensemble est si spécial qu'il fait battre mon corps de joie. Un regard est suffisant pour nous comprendre. Rien que ça suffit pour ressentir l'amour et trouver notre endroit heureux.